Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guimauzeau, anciennement Radio Trait d'Union, une radio locale. C'est bien local, hein? Ah oui, il faut qu'une radio soit locale. Et puis libre. Alors libre, ça vaut mieux, hein? Alors ça, alors là, faut oser être libre. Faut avoir une... Oh oui, radio libre. Alors, le programme de ce soir, de ce calendrier, eh bien, ce sera évidemment le calendrier. C'était comment à l'école en 1900. C'est tiré de les archives de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Ils ont des archives, ils en ont des archives. On pourrait, on devrait les utiliser, et les utiliser davantage. Ensuite, les quatre vérités, Emmanuel Bompard, France Inter, Daniel Schneiderman, presse des années 30. La presse des années 30. Santé numérique tiendra-t-elle ses promesses? La santé numérique tiendra-t-elle ses promesses? État de santé, et une émission de télé, hein, 12 heures face à Macron, Manu refait l'actuel numéro 4, et puis une petite revue de presse, et voilà, ce sera tout pour ce soir. nous sommes déjà arrivés au 11 septembre. Alors que s'est-il passé ce jour-là? Par exemple, en 1900, aux USA, 150 000 mineurs sont en grève. Le 11 septembre 1900, aux USA, 150 000 mineurs sont en grève. 1906, Afrique du Sud, Gandhi propose aux Indiens immigrés en Afrique du Sud le serment de désobéissance. 1910, France, une grève des charbonniers paralyse depuis un mois le port du Havre. La police arrête Jules Durand, le secrétaire du syndicat qui a une grande influence sur ses camarades. Il est inculpé de complicité d'assassinat sur la personne d'un non-gréviste. Une affaire Dreyfus du pauvre commence. 1911, France. Le mouvement contre la vie chère atteint la vallée de la Meuse. Des milliers d'ouvriers et de ménagères occupent Mézières. Le préfet accepte de recevoir une délégation. 1924, Maroc. Le journal L'Humanité publie un télégramme signé de deux dirigeants du Parti communiste français et adressé à Abdelkrim, chef des révoltés marocains du RIF. Ils disent notamment qu'ils espèrent qu'après la victoire définitive sur l'impérialisme espagnol, il continuera avec le prolétariat français et européen la lutte contre les impérialistes français et européens, y compris jusqu'à la libération complète du sol marocain. 1972, Espagne. À l'usine Citroën de Vigo, la direction refuse de reprendre les ouvriers licenciés. Des affrontements ont lieu avec la police. Une grève de solidarité commence dans d'autres entreprises. 1973, Afrique du Sud. Dans les mines d'or de Carletonville, 200 ouvriers demandent une augmentation de salaire. Le rejet de cette revendication provoque grèves et répressions. La police tire. 12 ouvriers sont tués. La police tire. 12 ouvriers sont tués. 26 blessés et 37 arrêtés. C'était en 1973 en Afrique du Sud. 1973 en Colombie au Chili. Des généraux fascistes renversent le gouvernement légal de l'unité populaire. Le président Allende est tué. La mise en place pacifique d'un régime socialiste en Amérique latine est noyée dans le sang. Une répression féroce commence. La démocratie est-elle morte pour toujours? Point d'interrogation. Et qui est derrière cet assassinat? Eh bien, les USA. 1973, France. Désaccord sur le plan de réembauche à l'IPE. Le projet de structure juridique, qui empêche le démantèlement est bien accueilli par les travailleurs. Il annonce 343 licenciements par le médiateur M. Giraud est un choc pour l'ensemble du personnel. 1977, Canada, à Plymouth, 95% des employés commencent une grève illégale parce que réalisée lors des délais prévus. Une lutte de plusieurs mois commence. Nicaragua, 1978. La garde nationale utilise des tanks et des avions contre la population civile. Qui est derrière tout ça? Les USA. 1980, Chili, 7 ans après le coup d'État militaire, le général Pinochet propose de remplacer la charte fondamentale de 1825 par la nouvelle constitution. Il pourrait ainsi rester au pouvoir jusqu'en 1989 et éventuellement jusqu'en 1997. Ce document déclare entre autres que tous les partis soutenant des idéologies de classe, sont inconstitutionnels. Qui a mis Pinochet au pouvoir au Chili? Les USA.

Dites-moi, quand vous voyez ces enfants, est-ce que vous retrouvez l'enfant que vous étiez? Non. Voyez maintenant, regardez comment ils sont habillés. Voyez, leur tablier est varié. Tandis que nous avions toujours le tablier noir. Le tablier était noir à cette époque-là. Boutonné derrière, avec les trois boutons, et lié par une ceinture. Regardez, elle a des bottes, elle. Mais nous avions simplement les galoches d'autrefois. Il y a autre chose aussi. Vous avez pu constater qu'ils avaient le ballon. Nous n'en avions pas parce qu'il ne fallait pas casser les vitres. Et ce qui me rappelle encore quelque chose, quand nous voulions jouer au bar, et à ce moment-là, eh bien, nous partions en nous tenant par le cou, et nous appelions « Qui veut jouer au bar? Qui veut jouer au bar ?» Il faut dire à ce moment-là, il faut tout de même une considération générale s'impose, c'est l'œuvre magnifique, scolaire, de la Troisième République. La Troisième République a établi la laïcité de l'État et a enlevé aux congrégations le soin de former la jeunesse. Et elle a pris ce soin pour elle. Et admirablement, dans chaque village de France, une petite école, ou même relativement grande, avec un instituteur, et un instituteur voué à sa tâche, passionné pour apprendre les éléments aux enfants des paysans du village. Et l'école était devenue un centre du village. Et l'instituteur, bientôt, secrétaire de la mairie, dirigeait toute l'administration du village. Et ces écoles ont fait les enfants qui ont été les soldats de 14. Quelle était l'ambiance parmi les jeunes de votre âge? C'était patriotique. Même chez les instituteurs, je crois même surtout. Et dans votre... Je crois que vous avez aussi été dans une école normale d'institutrice. Oh oui, oui, oui. C'était la même chose. C'était la même chose. Chez les filles. Chez les filles, oui. Les leçons de morale, de civisme, on appelait ça des leçons de civisme, de morale, étaient données et étaient très suivies et écoutées. Nous arrivions à 9h précises et nous rentrions dans la classe en rang, bien sûr, et nous commencions tout de suite la leçon. La première leçon, c'était la morale. Morale lundi, morale mardi. Mercredi, instruction civique. Vendredi, morale. Et samedi, la lecture du samedi. Une lecture morale, n'est-ce pas? La morale est une science qui vous enseigne à faire le bien et à éviter le mal. Étudier la morale, c'est apprendre à se bien conduire et à être raisonnable. Pour apprendre à se bien conduire, il faut se connaître soi-même, être attentif aux bons conseils, suivre l'exemple de nos parents et de nos maîtres, et de tous ceux qui sont plus expérimentés. À l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, il y avait le ministre Combes, Émile Combes. Combes avait dit, voilà, je ne supprime pas les écoles libres, mais celui qui pourra se les payer, se les paiera. Et alors, il a créé l'école laïque, gratuite et obligatoire pour tous les Français. Moi, j'y étais à l'école, mais j'en ai vu de mon âge qui n'étaient jamais allés à l'école, qui ne savaient pas parler français. Pourquoi? Ils n'avaient pas les moyens ni quoi de s'acheter des vêtements pour les gosses, pour les envoyer à l'école. Et alors, ils n'y allaient pas. Moi, si j'avais été à l'école, je serais été comme Giscard. Oui, si j'avais été à l'école. Mais vous y avez été pourtant, madame. Et je suis été, mais vous savez, on me faisait garder les petits. Ma mère allait au champ, mon père était maçon de son métier. Alors c'est moi qui gardais les petits, les autres. Mais vous y alliez combien de fois par semaine, alors? Oui, enfin, que je pouvais. Le jeudi et le dimanche. Et ça, je vous le dis, espérez. Autrement, si j'avais été à l'école, c'était intelligent comme les autres. Monsieur Loubert, quand vous étiez petit, vous alliez à l'école, je suppose. Oui, oui. Pas beaucoup. Pourquoi vous n'y alliez pas beaucoup? Et parce que j'avais du travail. Il fallait aller garder le troupeau, tout ça. Et oui, les vaches. Et vous y alliez combien de fois par semaine, alors? Oh, deux fois, trois fois. Ça dépendait. Oui. Aux penseurs, à tous les précurseurs, à Jean Massé, des hymnes et des fleurs. Ils ont lutté pour l'humanité, pour l'avenir d'une cité fraternelle. Ils ont lutté pour l'humanité, pour l'avenir et pour la liberté. Aux penseurs, etc., etc. Voilà ce que nous avions appris, c'est quelque chose qui a marqué ça aussi. Et qui a marqué pourquoi, la chanson, alors? La chanson à Jean Massé, c'était au moment, n'est-ce pas, où il y avait peut-être séparation de l'Église et de l'État, ou bien l'école laïque d'un côté, l'école privée de l'autre. Ça se passait en 1905, ça. Et la différence a été grande après la loi de Combes? Ah, la différence a été grande, oui, parce que... Mais c'est toujours pareil, il y en a qui n'étaient pas contents de ça. Des parents, vous voulez dire? Il y avait des parents qui étaient du parti royaliste. À l'époque, il y avait deux partis, je vous disais, le parti royaliste et le parti républicain. Alors, il y avait beaucoup de partis qui étaient du parti républicain, qui avaient adhéré au parti républicain, qui jusqu'alors n'osaient pas en parler ni adhérer. Et pourquoi ils n'osaient pas? Ah, le village a été séparé en deux. Alors, il y a même eu des riches propriétaires qui disaient à leur métayer, si vous envoyez les enfants à l'école laïque, je vous fous à la porte. Et il y en a qui l'ont fait? Mais tout de même, ça ne s'est pas produit. Parce qu'il y en a qui se sont rebiffés, ils ont dit, nous enverrons les gosses à l'école laïque. Puis c'est comme ça, on enverra les gosses à l'école laïque. Alors, petit à petit, ça s'était calmé, et ma foi, c'était arrivé, les curés étaient partis au régiment comme les autres, et ils s'arrangeaient avec les provinciaux. Mais naturellement, les vieilles traditions ont toujours suivi, vous comprenez, et il y en a encore qui sont pour l'Église, d'autres qui ne le sont pas. Ça a toujours existé, ça existera toujours ça. Alors ça fait comme aujourd'hui, les jaunes du côté catholique et les rouges du côté... On disait les rouges, c'était dans les radicaux, et les jaunes, eh ben, c'était ceux du pape, puisque le pape a le drapeau jaune, hein, je crois. Est-ce que la séparation de l'Église et de l'État vous a touché dans votre famille ou... Moi, ça ne m'a pas touché, ça nous a réjouis. C'était une famille républicaine. C'est-à-dire que moi, j'étais avec un libertaire à cette époque-là. Votre père à vous, il était de quel parti? Ah, mon père, quand l'école laïque s'est établie, il avait dit, moi j'enverrai l'école, les gosses, à l'école de la commune, à l'école laïque. C'était un républicain? Oui. On peut le dire maintenant? Oui. Il ne risque plus rien, votre père. Paysans, la terre de nos enfants. Paysans, paysans. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Alors en tant que coordinateur de la France Insoumise, vous êtes invité demain par Emmanuel Macron à participer à cette réunion inédite avec les autres chefs de parti. Ça se passera, on le sait, à l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Alors déjà, vous ne l'avez pas encore annoncé. Est-ce que vous vous y rendrez ? On en discute avec nos partenaires de la NUPES. Notre objectif, c'est d'avoir une réponse qui soit une réponse commune. On a appris cette invitation dans la presse. On a peu d'informations sur la manière avec laquelle le président de la République envisage les discussions. Et honnêtement, on se fait peu d'illusions sur le résultat. Mais vous, LFI, vous souhaitez plutôt y aller ? Moi, aller manger avec le président de la République, puisqu'il s'agit d'une réunion de travail et d'un dîner, je n'en vois pas l'intérêt. Par contre, s'il y a une opportunité d'aller y porter des propositions politiques sur les urgences de la rentrée, les urgences sociales avec des difficultés liées à l'inflation, liées à l'augmentation des prix, les difficultés climatiques qu'on a vues pendant l'été, à quel point malheureusement l'impact du changement climatique est criant, nous on est toujours disponible pour aller porter des propositions. Mais si c'est pour participer à une opération de communication médiatique comme il l'a fait à peu près chaque année, je vois pas l'intérêt. Donc on ira au temps où on peut porter des propositions, aller manger avec le président de la République, même avec une grande cuillère, j'y vois pas l'intérêt. Donc la réunion de travail, oui, le dîner, non. Ce sera dans quel état d'esprit pour vous ? L'état d'esprit est que on est là pour défendre les intérêts du peuple. Et les Français, ils sont confrontés en cette rentrée à des difficultés sociales majeures. Et j'observe dans le courrier du président de la République que malheureusement, de ces sujets-là, il ne veut pas parler. Il évoque l'hypothèse de référendum. Par exemple, nous irons porter au président de la République le fait qu'il y a un référendum que les Français attendent depuis plusieurs mois. C'est un référendum sur le projet de report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Olivier, s'il veut faire un référendum, qu'il le fasse. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, hier a même parlé de ce qu'il a appelé et qualifié, je cite, de préférendum. En clair, ce serait un référendum avec plusieurs questions sur plusieurs thèmes. Ça, vous dites pourquoi pas ? Non, moi je dis que si le président de la République envisage un ou plusieurs référendums, la priorité c'est de faire voter les Français sur la question du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est ce que les Français ont demandé majoritairement, massivement, pendant des mois et des mois. Donc c'est le seul référendum, entre guillemets, que je pourrais appuyer. Est-ce qu'il existe des points de compromis possibles avec le chef de l'État pour vous ? Quand je lis le courrier d'invitation qu'il nous a transmis en vue de cette réunion de demain, je vois pas sur quoi il est possible de faire On sait que vous allez parler international, cohésion nationale, institution. Il y a aucun point d'accord sur ces thèmes-là ? Je crois pas. Et puis, encore une fois, moi, j'ai pas l'intention de parler que de ça. Parce que les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les Français, les salaires qui sont trop bas, le prix de la vie qui est trop haut, la vie qui est trop chère, les services publics qui sont en très grande difficulté, les renoncements à l'accès aux soins, au système de santé. Ça, c'est des questions qui sont des questions centrales. Il n'y a aucun sujet l'écologie. sur lequel vous pourriez trouver un point d'accord. Bah, je sais pas, on verra, mais vous savez. La question de l'IVG, par exemple, je sais qu'il y a un débat à gauche. Mais nous, sur la façon... nous avons, à l'initiative de notre présidente de groupe, Mathilde Panot, fait voter à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Donc, si le président de la République veut enfin, puisque ça fait quasiment un an, traduire cette proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale pour l'inscrire dans la Constitution, nous en serons d'accord. Mais encore une fois, je sais aussi à quel point le président de la République est habitué à ces exercices de communication sans lendemain. On a eu le grand débat, on a eu la convention citoyenne sur le climat. S'il s'agit de participer à une opération de communication médiatique qui compte pas sur nous pour en être les protagonistes. Il vous demande de venir avec des contributions. Donc vous, votre contribution, c'est la demande d'un référendum sur les retraites. C'est bien ça. Entre autres, et puis peut-être qu'on fera d'ici demain une contribution plus détaillée avec un certain nombre de propositions sur le fond. On a des difficultés, par exemple, dans cette rentrée, la rentrée scolaire qui arrive. Vous savez que le prix des fournitures scolaires a augmenté de plus de 11%. Et ben, par exemple, sur ce sujet, nous proposons la gratuité totale de l'école. Ça coûte 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est 4% de la fortune supplémentaire accumulée dans ce pays par les 500 plus riches l'année dernière. Et ben, moi, je pense qu'on peut consacrer 4% de la fortune des plus riches à faire en sorte que tous nos élèves aient des stylos et des cahiers pour étudier dans des bonnes conditions. Justement, vous parlez d'économie. Vous allez sans doute l'aborder demain avec le chef de l'État. La première ministre hier était devant le MEDEF. Elle l'a redit. Notre gouvernement est pro-business et ça ne va pas changer. Mais le problème, c'est pas d'être pro ou anti-business, ça veut pas dire grand-chose. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis maintenant 2 ans, un certain nombre de grands groupes, de grandes entreprises ont accumulé des profits extraordinaires, quand dans le même temps, vous avez des Français qui tirent la langue parce qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Par exemple, l'augmentation des marges dans l'industrie agroalimentaire, c'est à peu près 70% de plus en un an et demi. Et dans le même temps, vous avez plus de 20% d'augmentation des prix sur les produits alimentaires. Donc je dis juste qu'il me semble que c'est une mesure d'équité, de justice élémentaire, de dire que quand des grands groupes s'en mettent plein les poches, il faut les mettre à contribution pour faire en sorte que ça soit moins difficile pour les Françaises et les Français. Donc moi, je dis qu'il faut mettre sur la table enfin une taxation des super profits des grandes entreprises pour faire en sorte d'alléger la charge du coût de la vie pour les Françaises et les Français. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a annoncé hier l'interdiction de l'abaya, à compter de la rentrée qui va avoir lieu dans quelques jours. Pourquoi ça vous pose problème ? Bah d'abord parce que je pense qu'on attend en cette rentrée scolaire autre chose du ministre de l'Éducation nationale que d'aller agiter les peurs et les fantasmes sur une tenue dont tous les signalements disent que ça concerne à peu près 0,25% des établissements scolaires. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut rien faire? Je vais répondre sur le fond. Mais d'abord, je vais vous dire qu'il y a d'autres sujets en cette rentrée scolaire. Il y a la question des fournitures scolaires, j'en ai parlé. Il y a les questions de difficultés des recrutements. Il y a eu 3000 personnes. Il a pas parlé de ça. Il a parlé du report, par exemple, des épreuves de spécialité. D'accord, mais sur les fournitures scolaires, pour l'instant, il ne dit rien. Sur le fait qu'il y ait 3000 personnes qui manquent pour les concours de recrutement, il ne dit rien. Sur le fait qu'on recrute aujourd'hui les enseignants en speed dating de 30 minutes, il ne dit rien. On a des rémunérations qui sont 10% inférieures pour les professeurs en France à la moyenne de l'OCDE. Bon, il y a des priorités autres. Maintenant, sur le fond, soyons très clairs, les autorités religieuses du culte musulman disent que les abayas ne sont pas une tenue religieuse. Et donc, moi, je suis attaché à la défense de la laïcité. Et donc, la loi dit qu'il ne faut pas de tenue et de signes religieux ostentatoires à l'école, mais les autorités religieuses disent que l'abaya n'est pas une tenue religieuse à partir de ce moment-là. Bon, c'est pas une atteinte à la laïcité. Il faut l'interdire. Ben, c'est pas pour moi. Le principe de la laïcité, c'est que ce sont les religions qui déterminent quels sont leurs signes religieux. Si une religion considère que telle tenue n'est pas un signe religieux, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'interdire. Donc je vous annonce ici que moi je proposerai à notre groupe parlementaire de attaquer au Conseil d'État cette réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par, encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays. La religion, ça doit être un facteur d'unité, ça doit être un facteur de paix. La laïcité, ça doit être un facteur d'unité, un facteur de paix, ça doit pas être un facteur de division et de stigmatisation. Quand est-ce que vous allez attaquer cette... On va en discuter, c'est la proposition que je vais faire à mon groupe parlementaire. Mais bon, voilà, c'est important que tout le monde comprenne ça. La laïcité, c'est notre bien commun, c'est très important. Il ne faut pas l'utiliser pour stigmatiser une religion en particulier. Sur ce point-là, vous êtes un peu en décalage avec vos sympathisants. L'IFOP a ressorti un sondage qui a été fait il y a quelques mois dans lequel on voyait qu'il y avait 60% des sympathisants de la France insoumise qui étaient opposés à la possibilité de porter dans les collèges et les lycées publics des abayas, des djellabas. Ben, je pense qu'on fait dire tout et son contraire. Je vois sur des reportages de télé dire il y a un débat sur l'abaya et on montre des jeunes femmes qui rentrent dans une école et qui retirent leur voile. Donc l'abaya et le voile, c'est pas la même chose. L'abaya, c'est une robe longue. Moi, je vous dis que si vous rentrez dans cette logique, vous allez avoir de grandes difficultés à distinguer ce qui est de l'ordre d'une tenue religieuse et ce qui est de l'ordre d'un effet de mode ou d'une tenue que des jeunes femmes décident de mettre parce qu'elles ont envie de le mettre. Donc attention, parce que quand on commence à réglementer les tenues, en particulier les tenues des femmes, je pense qu'on ouvre une boîte de Pandore de laquelle on ne sortira pas. Et donc, je pense que c'est une très mauvaise décision et qu'il ne faut pas la mettre en œuvre. Fabien Roussel, votre camarade, si je veux dire votre cousin du Parti communiste français, lui dit « Je suis pour cette interdiction ». Ça vous étonne ou pas ? C'est son choix. Fabien Roussel peut dire ce qu'il veut. Moi, c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui est bon pour le pays. Et de mon point de vue, cette mesure est une mesure dangereuse pour le pays. Alors, Fabien Roussel a répété aussi ce week-end qu'a priori, il voulait pas d'une liste d'union de la gauche dans la perspective des européennes qui auront lieu dans quelques mois. Il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle ce week-end, c'est Ségolène Royal. Parce qu'elle vous avait réservé la primeur de son annonce lors de vos rencontres au sort d'université d'été. Elle dit, je suis disponible pour être la tête de liste, mener une liste d'union de la gauche. Ça peut être votre candidate pour les européennes, Ségolène Royal ? Moi, vous le savez, depuis plusieurs mois, la France insoumise, nous sommes partisans, nous sommes unionistes. Nous voulons la poursuite de la NUPES et notamment le fait que la NUPES propose une liste commune aux élections européennes. Avec Ségolène Royal ? Attendez, j'observe, parce que la question, c'est pas une question de personne aujourd'hui. J'observe que ce week-end, cette cause-là, la cause de l'Union, elle a avancé. Parce qu'un certain nombre de personnalités ont pris position. C'est le cas de Ségolène Royal, c'est le cas de Benoît Hamon, c'est le cas d'un certain nombre de députés socialistes comme Jérôme Guedj. J'ai entendu même le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, dire que si les écologistes qui le refusent aujourd'hui changeaient d'avis, lui serait prêt à aller vers une liste commune aux élections européennes. Donc moi, je réponds à votre question. Nous l'avons dit depuis le début. Nous sommes prêts, si c'est nécessaire pour permettre cette liste commune, que la tête de liste ne soit pas issue des rangs insoumis. Il faut pour ça que cette tête de liste puisse recevoir l'assentiment de l'ensemble des composantes de la NUPES. Si c'est le cas de Ségolène Royal, pourquoi pas? Si c'est le cas de la candidate des écologistes Marie Toussaint, pourquoi pas? Si c'est le cas de quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Vous voyez, notre objectif, c'est de faire en sorte que la NUPES soit unie à ces élections européennes. Et je pense que c'est notre seule boussole. Est-ce que si c'est une liste indépendante seule de la France insoumise, ça pourrait quand même être Ségolène Royal? Non, je pense que là, enfin, en tout cas, là, il me semble que l'état d'esprit dans lequel Ségolène Royal a fait cette proposition, elle a le droit de le faire, mais c'est sa proposition, c'est pas la nôtre. L'état d'esprit dans lequel elle a fait cette proposition, il me semble, c'est dans l'hypothèse d'avoir et de permettre d'avoir une liste qui rassemble l'ensemble des composantes de la NUPES. C'est notre souhait aussi. Et donc moi, j'appelle les militantes et les militants de l'ensemble des organisations de la NUPES de se rappeler qu'on en a besoin. Il y a 84% des sympathisants de la NUPES qui sont favorables à une liste commune aux élections européennes. S'il n'y a pas de liste commune pour vous, c'est la fin de la NUPES ? Je pense que dans ce cas-là, la NUPES ne voudra plus dire grand-chose. Donc c'est pourquoi ? Parce que moi, je préfère d'abord essayer de remporter cette bataille de conviction. Les sondages disent tous la même chose. Ils disent s'il y a une liste commune de la NUPES aux élections européennes, on est en mesure de remporter ces élections, de battre les macronistes, de battre le Rassemblement national, de proposer un point d'appui pour le pays, de lui proposer une alternative, de lui dire qu'il n'est pas condamné à choisir entre le macronisme qui s'extrême-droitise et l'extrême droite qui se banalise. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu central. Et je suis attaché à la NUPES. Je pense que la NUPES a besoin de continuer parce qu'elle nous a permis déjà de faire des grandes choses et qu'elle doit être ensemble aux élections européennes. Donc, toutes celles et ceux qui prennent des positions dans ce sens-là, je trouve ça positif. Merci, Manuel Bompard, d'avoir été avec nous dans les 4V ce matin. C'est à vous, Maud et Adrien. Manuel Bompard qui nous annonce donc que son groupe parlementaire attaquera cette interdiction de la baïade quand le texte sortira. Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange. Une des dernières fois où j'ai rendu visite à Vincent Parker, il m'a dit ce merveilleux texte que vous connaissez sans doute. Un texte de Rudyard Kipling, en rajoutant « Mon rêve serait que tous les enfants du monde apprennent ce texte par cœur, qu'il entre dans toutes les maisons du monde. » Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans son chaparou la mette di accostrui, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties. Senza gesto, senza un sospiro. Sans un geste et sans un soupir. Se tu puoi essere amante senza un pazzo d'amore. Si tu peux être amant sans être fou d'amour. Se tu puoi essere forza e sempre tenerezza. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre.

sur France Inter. Bonjour Daniel Schneiderman. Bonjour Sonia De Villers. Vous êtes journaliste, vous avez créé et puis vous avez passé le pouvoir au sein d'Arrêt sur Image, ce site de critique des médias qu'on connaît bien. Vous publiez aux éditions du Seuil La guerre avant la guerre, 1936-1939, quand la presse se prépare au pire. Un petit mot d'abord, parce que vous passez en revue, vous commencez par passer en revue les grands titres de l'extrême droite française, que sont L'Action française, Gringoire, Je suis partout, on va les regarder dans le détail. Mais un petit mot d'abord par, comment dire, sur la réaction des forces réactionnaires françaises, la réaction face aux provocations d'Hitler qui s'agitent hein, entre 1936 et 1939. Qu'est-ce que vous appelez l'hitléro-pacifisme ? Bah, c'est la ligne de conduite, effectivement, de l'extrême droite et de la presse d'extrême droite, L'Action française, Je suis partout, qui sont écartelés, si vous voulez, entre leur nationalisme traditionnel, qui les pousserait plutôt vers la fermeté envers les provocations nazies. Et leur défendre la France et l'intérêt de la patrie. Pour défendre les intérêts de la patrie et leur sympathie pour les régimes fascistes et nazis qui les poussent en sens inverse. Il y a des numéros de Je suis partout totalement hallucinants dans la période 38-39, si vous voulez, entre Munich et la déclaration de guerre, où on les voit d'un pacifisme échevelé, désespéré à l'idée de la guerre qui avance. On les voit même joindre... C'est ça, tout est bon pour ne pas faire la guerre à bien Hitler. Bien sûr, voilà. Surtout pas de guerre à Hitler. On les voit même se joindre aux pacifistes de gauche traditionnels, comme le syndicat des postiers, par exemple. Vous imaginez, Je suis partout faisant l'éloge du syndicat des postiers ou des instituteurs pacifistes. En effet, et les provocations hitlériennes, écrivez-vous, sont la faute à la décadence française. Bien sûr. À la faiblesse de l'État français. Ils se tiennent tous à une grille de lecture idéologique qui est tout est de la faute de 36, du Front populaire, des 40 heures, des congés payés. C'est extrêmement troublant, hein, Daniel Schneiderman, de lire ces pages alors que l'extrême droite française se débat là face aux provocations de Vladimir Poutine, face à la Russie, face à la menace militaire. C'est extrêmement troublant. J'espère bien que c'est troublant. Oui, c'est ça. C'est le vertige. C'est vraiment le vertige de l'histoire. Vous revenez en détail aussi sur le suicide de Roger Salengro. Roger Salengro, 1936. Il est le ministre de Léon Blum. La gauche est au pouvoir, c'est le Front populaire. Il est accusé d'avoir déserté. Il est accusé d'avoir trahi pendant la Première Guerre mondiale. Il se défend très mal. Il est la cible d'attaques absolument abominables depuis la presse d'extrême droite et la presse antisémite. Écoutez la voix de Léon Blum. La voix de Léon Blum qui va lui rendre hommage. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. Et ça aussi, c'est troublant, troublant. Ce que j'ai découvert, bon, on savait que Salengro avait été victime d'un lynchage de l'hebdomadaire Gringoire. Ce que j'ai découvert de l'intérieur, c'est la mécanique du lynchage. Comment, semaine après semaine, Gringoire harcèle Salengro, ministre de l'Intérieur, en multipliant les accusations fausses, parce qu'évidemment, elles sont toutes fausses. Salengro n'a pas déserté pendant la Grande Guerre, mais effectivement, il se défend très mal, puisqu'il a été blanchi une première fois pendant la Grande Guerre dans des conditions un peu douteuses, bien que son innocence soit absolument certaine. Donc, il se défend très mal, il est ligoté, il est attaqué, il ne sait pas comment répondre, semaine après semaine, les témoignages bidons contre lui recueillis par Gringoire, l'ironie terrible et très efficace de Gringoire. La fabrication en temps réel d'une fausse information, Daniel Schneiderman. La fabrication en temps réel d'une fake news. Exactement. Et alors, vous avez commencé votre introduction en parlant de l'Espagne. Moi, ma découverte, si vous voulez, ça a été la permanence de la guerre d'Espagne, donc qui commence en juillet 36, dans le débat idéologico-médiatique et politique français. Si vous voulez, en commençant à éplucher les journaux de cette période-là, je m'attendais à trouver Hitler à la une tous les jours, oui. À la limite Mussolini, mais pas du tout. Ils y sont de temps en temps en période de crise, mais ce qui mobilise et ce qui dévore les cerveaux français des deux côtés. C'est la guerre d'Espagne. C'est effectivement la guerre d'Espagne. On va y arriver, mais quand même, après le suicide de Salengro, moi je fais une découverte. C'est le grand débat qui aura ensuite lieu sur la responsabilité de la presse, sur la diffamation. Faut-il durcir la loi de 1881 ? Faut-il changer les modalités des procès faits à la presse ? Et ça aboutira même au vote d'une nouvelle loi, la loi Marchandeau, qui interdit les propos incitant à la haine raciale dans la presse. Trois ans plus tard, quand même. Trois ans plus tard, c'est ça. Il a quand même fallu trois ans, si vous voulez, pour qu'effectivement la loi Marchandeau mette un terme, on va dire, aux abjections antisémites les plus criantes de la presse d'extrême droite. Ce qui fait que la presse, Je suis partout, par exemple, va essayer de contourner cette loi en arrêtant. Ils ont plus le droit d'écrire sur le péril juif. Donc, ils vont écrire sur le péril singe. Et les lecteurs seront... Le texte de Brasillach que vous citez, Daniel Schneiderman, sur les singes et l'antisémitisme. Brasillach, effectivement, Quel tribunal oserait nous condamner si nous dénoncions l'envahissement de la France par des singes ? Aujourd'hui, on en voit partout. Alors, on connaissait les écrits, j'ai pas révélé les écrits. En revanche, je connaissais moins bien, si vous voulez, l'ambiance à Je suis partout. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé. Ils sont très jeunes. C'est des gamins. Brasillach, il y a une photo célèbre de lui, si vous voulez, quand il écrit ses abjections, on dirait un étudiant d'Hippocagne. Et d'ailleurs, ça fait très peu de temps qu'il n'est plus étudiant d'Hippocagne. C'est ça. Et non seulement ils sont très jeunes, et c'est des gamins, mais ils mènent la première expérience en France, je crois, de journal autogéré, puisque Je suis partout est autogéré par ces journalistes. Enfin voilà, il y a une espèce d'atmosphère de monôme abject, si vous voulez, qui m'apparaît. Et alors, face à cela, vous soulignez aussi la grande passivité de la presse dite modérée, de Paris Soir, on va en parler justement, de Paris Soir, face aux attaques absolument abominables et puis vraiment, permanentes, extrêmement dures, répétées, face au harcèlement, face à Salengro, Paris Soir se tait. Oui, et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une homogénéité idéologique entre la presse d'extrême droite et la presse dite modérée, c'est-à-dire en gros, parlons cash, la presse de droite, qui se révèle par exemple à l'automne 38. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, si vous voulez, après Munich. Munich, c'est fin septembre 38. Rappelez ce que c'est Munich, comme ça on parle à tout le monde. Alors, Munich, ce sont les accords par lesquels la France et la Grande-Bretagne lâchent la Tchécoslovaquie et abandonnent la Tchécoslovaquie aux appétits de Hitler. Et c'est depuis unanimement considéré comme le symbole de la capitulation des démocraties face à la menace totalitaire. Donc il y a cet événement de Munich. On est quand même deux ans après le Front populaire. Et ce que j'ai découvert, qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une tentative... depuis que Blum a quitté le pouvoir et depuis que c'est Daladier qui est président du Conseil, si vous voulez, Daladier revient sur tous les acquis du Front populaire. Il revient notamment sur la semaine de 40 heures. Et donc, il y a un mouvement social. La CGT et le Parti communiste déclenchent une grève fin novembre 1938. Et cette grève est un échec parce que Daladier a fait en sorte de la réprimer. Il y a des syndicalistes qui sont jetés en prison. Donc, la grève rate. Et dans la jubilation, si vous voulez, devant l'échec de cette grève, la presse dite modérée rejoint d'une manière spectaculaire la presse d'extrême droite. Et c'est là où, effectivement, c'est un moment très fort, parce qu'on voit qu'au-delà de ce qu'on pourrait imaginer être des différences, je veux dire, la presse modérée n'est pas antisémite, enfin, elle est moins antisémite que la presse d'extrême droite. On voit ce qui les unit profondément. Et ce qui les unit profondément, c'est la... Donc vous décrivez ce qu'on appelle aujourd'hui une droitisation massive de tout le paysage médiatique français. On va écouter la voix de Pierre Lazareff, qui est donc le rédacteur en chef, directeur de la rédaction de Paris Soir, expliquer ce que c'est pour lui la neutralité et l'objectivité journalistique. Ensuite, vous allez nous expliquer ce que c'est que ce grand journal Paris Soir qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui était vraiment un tirage extrêmement important, extrêmement influent. Ma conception du journalisme a toujours été qu'il fallait essayer d'apporter aux gens le maximum d'informations le plus objectif possible, le plus rapidement possible, le plus complètement possible, parce que je pense que les lecteurs sont des adultes, comme j'espère que les journalistes sont des adultes. Et je pense que notre mission, en tout cas c'est ma conception, c'est de permettre aux lecteurs de se faire eux-mêmes, avec les éléments que nous leur apportons, leurs propres convictions. Voilà, Lazarev qui sera l'homme de France Soir des années plus tard. Mais pour l'instant, c'est Paris Soir. Alors racontez-nous, Daniel Schneiderman, ce que c'est que Paris Soir. Bah, c'est tout simplement le premier grand journal populaire illustré par la photo et donnant une large place à la photo en France. Mmh. Et c'est immédiatement un très grand succès. Mmh. Ça marche. Donc la photo, le fait divers, le sport, les vedettes. Les stars, voilà. Hollywood. Tout ce qui fait vendre du papier. Hollywood, etc. Et effectivement, dont l'idéologie affichée est « on ne prend pas parti ». Surtout, on ne prend pas parti. Et par exemple... dans un petit mot d'abord, à qui appartient Paris Soir ? C'est important de le préciser. À un milliardaire, puisque vous savez, la presse, ce qu'on appelle aujourd'hui la presse des milliardaires n'est pas une nouveauté. Un milliardaire qui s'appelle Jean Prouveau et qui est un mania, notamment de la laine et du textile dans le Nord. Bon, le « on prend pas parti » est tout à fait spectaculaire dans le cas de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que la religion de base de Paris Soir, c'est d'avoir des reporters aussi bien du côté franquiste que du côté du gouvernement légal républicain. Et à partir de là, ils peuvent dire « voyez, nous, on prend pas parti ». Alors la question, c'est évidemment, est-ce que quand une rébellion militaire se déclare contre un gouvernement légal, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prendre parti ? C'est ça, et puis vous le précisez bien, Daniel Schneiderman, c'est-à-dire que la guerre d'Espagne, elle est très présente dans Paris Soir, mais ça n'est jamais une question politique. On n'utilise jamais le mot « fascisme ». Parlez-nous de Louis Delapré. Alors, Louis Delapré, oh là ! Louis Delapré est un reporter de Paris Soir. Ouais. Donc il est en Espagne et il se trouve que en décembre 36, il va rentrer de Madrid à Paris et son avion est abattu dans des conditions d'abord mystérieuses. On ne sait pas qui a abattu l'avion et il trouve la mort dans le crash de l'avion. Et trois semaines après, l'Humanité va déclencher une grande campagne contre Paris Soir. Sur deux thèmes. Sur le thème Paris Soir avait censuré Delapré, puisque Delapré, qui était censé faire des papiers pro-franquistes, avait été sensible aux souffrances des populations bombardées. Et c'est une réalité. Paris Soir avait vraiment censuré les papiers de Delapré. Paris Soir avait coupé des passages dans les papiers de Delapré. Et après, on sait tous dans les rédactions que, si vous voulez, il arrive que des papiers trop longs ou peu clairs soient coupés. Bon. Et le deuxième thème de campagne de l'Humanité, ça va être de dire ce sont les franquistes qui ont abattu l'avion de Delapré. Or, il s'avère que ce n'est pas les franquistes. À la fin des fins, ce n'est pas les franquistes, mais c'est un appareil républicain piloté par un pilote russe. Il y a déjà les Russes dans l'histoire à l'époque, les soviétiques, qui a abattu Delapré. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi l'UMA déclenche toute cette campagne contre Paris Soir, c'est parce que l'UMA va lancer un concurrent. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on voit bien que les communistes veulent reprendre le récit, veulent reprendre le contrôle du récit. C'est même, ils vont créer un contre-journal à Paris Soir qu'ils appellent Ce Soir, et c'est un contre-récit. Et c'est un contre-récit qui emprunte tout, on peut le dire, au code de Paris Soir, puisque c'est grande place à la photo, grande place aux vedettes, ce qui n'était pas du tout la ligne de l'UMA. L'UMA, c'était idéologie et politique. Voilà, c'était du sérieux. Donc l'UMA. En fait, on crée un journal communiste populaire pour aller marcher sur les plates-bandes de Paris Soir et on le confie à Aragon. Et on le confie à Aragon, qui à l'époque n'est pas encore évidemment le grand poète qui va devenir pendant la Résistance et par la suite, qui est un écrivain, qui est un peu, qui cherche un peu un emploi, si vous voulez, qui a fait ses premières armes à l'UMA d'ailleurs. Vous êtes féroce, Daniel Schneiderman, sur ce que Aragon fera de ce journal communiste Ce Soir, à la veille de la guerre en France. Ah, pour moi, ça a été horrible. Pour moi, ça a été horrible parce que, comment dire, la poésie d'Aragon, j'ai grandi dans la poésie d'Aragon, dans les chansons d'Aragon par Ferrat. Et découvrir, effectivement, j'ai envie de dire un homme des basses œuvres staliniennes à l'œuvre tous les jours dans les colonnes de Ce Soir, a pour moi été déchirant. Je veux dire, régulièrement, Aragon reprend les calomnies staliniennes, par exemple contre le Poum, le parti de gauche espagnol, accusé par Staline et par les staliniens d'être infiltré par les hitlériens. Donc tous les jours, on a le petit refrain d'Aragon sur les hitléro-trotskistes du POUM. C'est terrible. C'est une calomnie terrible. À côté de ça, Aragon va avoir des moments lumineux, si vous voulez, aussi comme directeur de ce soir, parce que la réalité est complexe quand même. Ouais. Et il va se mobiliser d'une façon incroyable en faveur des réfugiés espagnols. Il va partir en reportage à la frontière espagnole, au Boulou. Il va faire des papiers, il va lancer des souscriptions. Il va animer tout ça, si vous voulez. Il va animer la campagne de solidarité avec les réfugiés espagnols. D'ailleurs, encore une passerelle avec aujourd'hui. Quand on vous dit que la presse de 36-39, vraiment, c'est le vertige de l'histoire et les correspondances avec ce qu'on vit ces jours-ci. La guerre avant la guerre, c'est paru au Seuil. Et c'est Daniel Schneiderman qui signe ce deuxième livre sur la presse des années 30. Et puis moi, je vous signale que France Inter aussi a réuni les 12 meilleurs historiens de la période. Et ça donne un grand podcast en 10 épisodes qui s'intitule Le fantôme de Philippe Pétain, où là aussi, vous avez les années 30, la menace militaire, les régimes autoritaires, la démocratie face à la guerre. Il y a aussi un livre illustré qui sort partout en librairie. Merci Daniel Schneiderman d'avoir été mon invité ce matin. Merci à vous. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains. Souffle dans la soupe, on mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Combien glissent, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux, ni de leurs noms. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce soir avec vous, j'ai enfin la règle du jeu. J'ai enfin la règle des moineaux, des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de Santé. Dopée par la crise sanitaire, la e-santé est en pleine explosion. Le numérique a vraiment permis de révolutionner les approches de prévention, notamment en permettant d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Parfois accusé de déshumaniser les soins, le numérique vient plutôt en soutien aux professionnels de santé. On ne laisse pas seul le patient, c'est pas que ça remplace la consultation traditionnelle, classique, cardiologique, pas du tout. Au cœur de cet enjeu, les données qu'il faut stocker, sécuriser, mais aussi mieux collecter. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir suffisamment de données. Alors, comment prendre le virage du numérique pour améliorer notre système de santé ? La santé numérique tiendra-t-elle ses promesses ? C'est le thème de ce numéro d'État de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. On va parler du numérique qui est déjà omniprésent dans le quotidien de la santé. On ne s'en rend pas forcément compte, mais le potentiel est gigantesque. Bonjour professeur Tenier. Bonjour Elisabeth Martichoux. D'abord une définition. La e-santé, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que par exemple, quand je télécharge sur mon téléphone une application santé qui me permet de mesurer mon activité physique ou de voir quel est le rapport entre mon poids et ma taille, etc. Vous connaissez ça par cœur. Est-ce que c'est déjà de la santé numérique ? Alors, le numérique va transformer profondément tous les aspects de la santé avec des applications, avec des algorithmes à partir de données qui sont générées. Ce qui est important pour rester dans le domaine de la santé, c'est que ces utilisations numériques soient validées, que ce soit ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, que ce soit des applications. Et c'est la différence qu'il y a entre les outils qu'on va utiliser dans la santé et puis les outils dans le bien-être. Donc, faire attention. Vous êtes, si je puis dire, un peu le crack de l'innovation technologique et du numérique en santé, professeur Tenier. Vous êtes directeur de Paris Santé Campus. Vous êtes anesthésiste de formation. Et on va regarder tout de suite votre portrait. On se retrouve juste après. Professeur d'anesthésie réanimation, Antoine Tenier est le directeur général de Paris Santé Campus, un tout nouveau centre de recherche et d'innovation autour du numérique en santé. Passionné par l'entrepreneuriat et le numérique, il fonde Illumins en 2015, un laboratoire universitaire utilisant des outils de simulation pour la formation des futurs médecins. En 2016, il devient conseiller santé pour le gouvernement, puis conseiller Covid-19 au plus fort de la crise. En avril 2021, Antoine Tenier est choisi par le gouvernement pour prendre la direction de Paris Santé Campus, un projet de campus de santé numérique qui s'installera sur le site de l'ancien hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce et qui veut développer l'innovation numérique autour des grands enjeux de santé publique avec les patients, les professionnels de santé et la société. Est-ce que c'est en tout état de cause une révolution pour le monde de la santé, le numérique ? C'est une évolution qui va amener dans certains domaines des révolutions de fiabilité, de facilité ou parfois d'analyse que le cerveau humain ou les capacités qu'on a aujourd'hui ne pouvaient pas faire et qui vont vraiment passer dans une échelle nouvelle avec l'utilisation de ces outils numériques. Est-ce qu'on peut dire, professeur, que le Covid a été un accélérateur de l'inclusion du numérique dans nos vies et même au-delà, dans tous les domaines de la santé? Alors oui, c'est tout à fait juste. Il y avait une dynamique qui était naissante depuis quelques années auparavant. La maturité des outils était naissante et surtout les usages qu'on en faisait étaient naissants. Le Covid, pour les raisons qu'on connaît, a été un accélérateur très fort, à la fois par exemple avec les outils de télémédecine, mais aussi sur la constitution de bases de données spécifiques, notamment par exemple le système CIDEP qui a permis d'analyser tous les résultats de tests de PCR en France quotidiennement et sur l'ensemble du territoire. C'est tout à fait inédit. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Pour mesurer l'évolution, l'explosion de la e-santé en France, regardez, on se retrouve après. Le Covid a donné un grand coup d'accélérateur à la e-santé. Et c'est bien parti pour durer. Même après les confinements, les Français sont restés connectés à leurs médecins. Le nombre de téléconsultations est passé de 80 000 en 2019 à 9,4 millions en 2021. La e-santé est en pleine explosion. Son potentiel économique est estimé à 235 milliards d'euros en 2023. C'est 160% de plus qu'en 2019. Mais le développement du numérique en santé est inégal. Il existe toujours une fracture numérique. 17% de la population est touchée par l'électronisme. Elle n'utilise toujours pas Internet, soit parce qu'elle n'y a pas accès, soit parce qu'elle ne sait pas utiliser les outils. De plus, la e-santé concerne surtout les villes, alors qu'elle pourrait être un vecteur de lutte contre les déserts médicaux. 7 téléconsultations de médecine générale sur 10 sont faites par des patients des grands pôles urbains. Alors, généraliser l'usage de la e-santé, c'est l'un des grands objectifs du Ségur du numérique en santé et du programme Innovation Santé 2030. Ainsi, l'État a investi 2 milliards d'euros dans la santé connectée et a lancé fin 2022 l'Agence de l'innovation en santé, une structure qui a pour vocation de coordonner la recherche et l'innovation en santé, notamment dans le numérique. Je disais tout à l'heure, vous avez été anesthésiste réanimateur. Vous, qu'est-ce que ça a changé, le numérique, dans le fond ? Alors, le numérique, ce qui m'intéresse, c'est la possibilité d'améliorer ce que nous allons pouvoir faire au quotidien pour nos patients. Mieux partager de l'information entre professionnels de santé, mieux expliquer des pathologies à des patients, mieux suivre à distance, mieux diagnostiquer avec des outils notamment d'intelligence artificielle par exemple. Donc c'est la façon dont ça va permettre d'améliorer notre système de santé. Ça n'est que du progrès, professeur, le numérique en santé ? Alors, comme tous les éléments de progrès, il y a des enjeux d'appropriation, d'usage et puis de compréhension de la valeur ajoutée dans nos pratiques aujourd'hui. Et puis la caractéristique aussi passionnante de la santé, c'est qu'on est confronté en permanence à des questions éthiques, notamment quand on a des innovations. Et donc la question qui est associée évidemment au progrès, associée à ces innovations, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'elles n'amènent que du progrès et qu'on permette de donner toutes les garanties aux patients, aux professionnels de santé. Alors pour les patients, évidemment, c'est un rapport tout à fait transformé, révolutionnaire avec la médecine et d'abord avec son médecin. Je parlais de téléconsultation. On va regarder le reportage, si vous voulez bien, d'Alexia Le Perron. Oui, il y a une autonomisation des patients, mais il y a certaines limites aussi qu'on touche de très près. Reportage. Doctolib, Care, Médecin Direct ou encore l'iPhone. L'utilisation des applications santé a explosé depuis le Covid. 25% de téléchargements en plus entre 2019 et 2021. Exemple avec Vivoptim Solutions. Créée pour les clients de mutuelles, l'application propose un accompagnement de santé en ligne, mais qui n'est pas uniquement digital. Derrière l'écran se cachent des professionnels de santé bien réels, physiquement présent au siège de l'application. Ah, allô ? Je vous appelle pour une consultation, un bilan nutritionnel. Oui. Océane est diététicienne pour Vive Optime Solutions. Aujourd'hui, elle aide une patiente qui souhaite perdre du poids. Je ne vais pas vous interdire de manger ce petit carré de chocolat, il n'y a pas de souci. Par contre, prenez le temps de le déguster pour éviter d'avoir envie d'en consommer un autre. Oui, c'est vrai, d'en reprendre un, ouais. C'est ça. Je le mange très vite, ouais. Le but, c'est de pouvoir changer les comportements, améliorer leur santé lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une pathologie. Et quand il n'y en a pas, c'est du coup limiter l'apparition d'une pathologie potentielle. Derrière cette vision, il y a Virginie Femery, directrice générale. Pour elle, les applications de e-santé ont transformé la prise en charge des patients. Le numérique a vraiment permis de révolutionner les approches de prévention, notamment en permettant d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et c'est notamment par le biais de la donnée que les plateformes numériques permettent de collecter et qu'on peut ensuite traiter, d'avoir ce meilleur ciblage, cette meilleure personnalisation des approches. Grâce à cette personnalisation, certaines applications permettent aussi de surveiller la santé des patients atteints de maladies chroniques. Comme Satellia, une application de télésuivi. Parmi ses utilisateurs, il y a Nicole. Insuffisante cardiaque. À 78 ans, elle se connecte régulièrement. Ainsi, tous les lundis, c'est la même routine. Alors là, c'était 45 600 ce matin. Alors, est-ce que je tousse ? Pas du tout. Je ne me sens pas essoufflée. Les chevilles ne sont pas gonflées. Je ne me sens pas du tout fatiguée. Je valide. Terminé. Voilà. Ça me permet de voir l'évolution de ma maladie et de gérer un peu, de savoir où j'en suis, quoi. C'est rassurant parce qu'on se sent pas tout seul. Mais pas de chance ce jour-là. Nicole réalise qu'elle vient de se tromper dans l'une de ses réponses. J'ai mis 45 800 et c'est 46 800 et 46 600. Mais c'est pas possible de revenir en arrière ? Ben non. J'essaye, mais ça marche pas. Contactez-nous, ils nous disent, mais je sais pas qui est-ce qu'il faut que je contacte. Alors elle admet, avec le numérique, il lui manque quand même un peu de contact humain. Dans les questions, on demande, répondre presque par oui et par non, quoi. C'est ça, il n'y a pas de dialogue possible, quoi, c'est ça. Pourtant, il existe bien. Car ses réponses sont envoyées à l'hôpital de Bois-Gibert où elle est suivie. Et ici, il y a un professionnel chargé de surveiller son état de santé, à distance. Dès qu'un patient communique des réponses préoccupantes, l'alerte est donnée au cardiologue. Par exemple, pour ces patients, qu'on voit bien que la dernière semaine, il a un score assez élevé et son poids, vraiment, il est déstabilisé. Là, actuellement, il a gagné 6,5 kg. Effectivement, on prend contact directement avec lui, lui expliquer, lui poser des questions et lui proposer modification, effectivement, de rapport thérapeutique de son traitement en insuffisance cardiaque. On ne laisse pas seul le patient. C'est pas que ça remplace la consultation traditionnelle, classique, cardiologique, pas du tout. C'est que entre une consultation cardiologique et la prochaine, qui d'habitude c'est dans 3 à 6 mois, même dans un an, chez les patients qui sont vraiment stables, entre ces temps-là, le patient, il est vraiment surveillé. Si avec le numérique, le patient devient acteur de sa santé, il y a donc toujours une équipe médicale derrière lui. La Haute Autorité de Santé souligne les bénéfices de ces outils sur la qualité de vie des patients. La télésurveillance sera bientôt prise en charge par la Sécurité sociale. Professeur, bon, évidemment, c'est évident, la valeur ajoutée pour le patient, mais aussi, il y a cette accusation de déshumanisation qui a été formulée dans le reportage. Elle existe ? Le risque existe ou pas ? Alors, le risque, il existe évidemment. Néanmoins, cet outil, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va permettre d'amener un élément d'intermédiation entre le patient et son professionnel de santé. Et surtout, et c'est bien dit dans le reportage, il va permettre de faire ce qu'un professionnel de santé ne faisait pas auparavant, c'est-à-dire suivre de façon parfois pluricotidienne un patient et pouvoir détecter plus précocement des éventuelles complications, des alertes, etc. Et puis d'aller chercher le patient ou de l'appeler quand on voit qu'il y a des anomalies, ce qu'on n'avait pas forcément auparavant avec des patients qui arrivaient aux urgences au moment où vraiment ils ne pouvaient plus rester à la maison, etc. Est-ce que c'est délirant, professeur, d'imaginer que dans certains cabinets, il y ait demain des médecins robots ? Ce qu'on voit aujourd'hui et qui est très intéressant et qui vous donne une petite idée de vers là où on va, c'est qu'il y a une partie des consultations qui sont des questions répétitives, d'informations standardisées, que le patient peut faire sans le professionnel de santé. C'est ce qu'on a vu dans le reportage, d'une certaine façon. Voilà, absolument. Ouais. Et donc, une partie de la consultation peut être numérisée et automatisée. Et puis, le professionnel de santé, quand il voit le patient, va avoir ces informations qui seront recueillies et va pouvoir ensuite dédier vraiment du temps pour d'autres aspects, notamment des aspects relationnels ou des aspects d'examen clinique, et économiser du temps dans la recherche des informations. Et puis demain, c'est l'outil qui va aller chercher lui-même de l'information. Le patient n'aura plus besoin de la rentrer. Comment il va le prendre ? Il va aller chercher. On a maintenant quelques outils qui permettent, par exemple, de prendre les constantes vitales à partir d'une caméra. On peut calculer... On prend une température, on prend... La fréquence cardiaque, en tout cas, ou la pression artérielle. Ça existe, ça, déjà ? Ça, ce sont des outils qui sont là aussi du domaine de la recherche, mais qui commencent à être utilisés. Pour le suivi de maladies chroniques, ce serait évidemment formidable, ça, par exemple. Absolument. Alors, l'e-santé, vous y avez fait allusion, évidemment, tout à l'heure, l'intelligence artificielle, aussi en plein développement, dans tous les compartiments du jeu, et dans la santé, pour la santé. Alexia Le Perron, pour État de Santé, est allée voir ce qui est fait en imagerie cérébrale, reportage. On l'imaginait, il y a peu encore, prête à remplacer les radiologues. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a été reléguée au rôle d'assistant du médecin. Dans ce service d'imagerie, l'intelligence artificielle a fait son entrée en 2021 dans la prise en charge des AVC. Lorsqu'un patient est touché, l'IRM permet de voir quelle zone du cerveau reste encore sauvable. C'est là que l'intelligence artificielle, que l'on surnomme l'IA, intervient. Vous voyez ici en vert toute la zone qui n'est pas encore infarcie, qui est la zone sauvable, que l'on appelle la zone de pénombre. Elle est en souffrance, mais elle n'est pas encore perdue pour le cerveau du patient. Ça veut dire que si rien n'est fait, eh bien, l'ensemble du cerveau, la partie rouge qui est déjà perdue et la partie verte qui est encore sauvable, si rien n'est fait d'un point de vue thérapeutique, toute cette portion ici, verte, sauvable, va se transformer en 24 heures environ en partie rouge non sauvable. Ce que nous apporte l'IA, c'est la capacité de répondre dans un temps très court à deux questions. Premièrement, y a-t-il une zone à sauver ? Elle est visuelle, il nous la montre ici, sans qu'on ait besoin de lancer les post-traitements parfois complexes de la perfusion. Et deuxièmement, est-ce qu'on est dans les critères de recommandation en termes de volume pour le choix du traitement ? Pour autant, si l'intelligence artificielle est capable de réaliser certaines tâches plus rapidement, on ne peut pas compter uniquement sur elle, car elle peut se tromper. Exemple. Avec un autre patient. Cette fois, on est toujours face à une lésion qui est visible en séquence de diffusion, donc qui pourrait s'appréhender comme un accident vasculaire cérébral ischémique. Et d'ailleurs, l'IA va fonctionner dessus comme si c'était un AVC ischémique. Or, dans le cas de cette patiente, ce n'est pas un AVC ischémique, ça mime cliniquement et en imagerie un AVC ischémique, c'est ce qu'on appelle un stroke mimics. Mais en fait, c'est une autre pathologie. Les IA n'ont jamais 100% raison, ça n'existe pas. On utilise vraiment l'IA comme une aide au diagnostic, mais une aide qui ne doit pas remplacer l'expertise ni la connaissance humaine sur laquelle est basée la médecine depuis des années. Pourquoi l'intelligence artificielle peut-elle confondre des pathologies que le médecin humain reconnaît tout de suite? Les logiciels d'intelligence artificielle sont basés sur une technologie appelée Deep Learning, qui a connu un essor fulgurant dans les années 2010. À la manière du cerveau humain, la machine va être capable d'apprendre par elle-même. Pour cela, l'algorithme est formé à analyser des milliers d'images de patients. À Paris, c'est sur ce type d'algorithme que travaille une équipe de l'Institut du cerveau. Menée par cette chercheuse, ils tentent de développer une intelligence artificielle pour diagnostiquer des maladies neurodégénératives. Si on veut faire en sorte qu'un algorithme puisse différencier les images de sujets sains d'images de patients, on ne va pas arrêter de lui montrer des images de sujets sains en lui disant « ça c'est un sujet sain », des images de patients en lui disant « ça c'est l'image de quelqu'un qui a une pathologie ». Et au fur et à mesure, l'algorithme va être capable de faire la différence entre des images de sujets sains, des images de patients. Et quand on lui présentera l'image d'un sujet inconnu, il sera capable de nous dire si c'est l'image d'un sujet sain ou d'un patient. Au cœur de cet apprentissage, il y a donc ces milliers d'images IRM de sujets. Ce sont les données, la clé de voûte de l'intelligence artificielle. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir suffisamment de données et de données représentatives du cadre d'application. Si un algorithme a été entraîné qu'avec les images, par exemple, d'hommes âgés de 60 ans en bonne santé, ils ne vont pas être capables d'avoir de bonnes prédictions sur les images de femmes de 30 ans en mauvaise santé. Aujourd'hui, l'accès aux données est donc le prérequis impératif pour la conception d'intelligence artificielle performante et fiable. Mais de nombreuses questions éthiques et législatives entourent l'accès aux bases de données de santé, ce qui peut rendre leur utilisation par les chercheurs plus compliquée. Qu'est-ce que l'application de l'imagerie artificielle fait de plus qu'une imagerie d'IRM? De façon très simple, je peux vous dire par exemple que l'œil humain est capable de détecter 11 niveaux de gris, puisque les images sont en noir et blanc, sur l'IRM, alors que la machine peut en détecter plus de 1000. Donc c'est une analyse qui est beaucoup plus précise. Infiniment plus précise. Deuxième, c'est qu'elle peut le faire plus rapidement. C'est-à-dire que c'est presque immédiat. C'est immédiat, et puis surtout, c'est des centaines et des centaines d'examens qu'on va pouvoir analyser très rapidement. Et donc, plus c'est rapide, plus on intervient rapidement. Exactement. Et plus on sauve le malade. Exactement, ouais. Et dans le cerveau ou dans le cœur, quand on manque d'oxygène comme ça, eh bien, le temps est un facteur clé pour sauver les patients. On a le même exemple dans le cancer, où on est capable maintenant de diagnostiquer l'origine de cancer qui était auparavant d'origine indéterminée, et de patients qu'on va pouvoir traiter avec des pronostics qui vont profondément changer. Il y a évidemment une question majeure quand on parle de numérique, c'est le traitement des données. Tout ça, vous l'avez dit, c'est fondé sur une grande quantité de données qu'on est capable d'analyser avec des résultats qui sont très positifs pour le patient. Mais ces données sont les nôtres. Il y a des barrières, en particulier en France. Jusqu'où doit-on aller dans l'analyse des données, dans finalement l'utilisation des données qui dépendent aussi du patient? On a la capacité aujourd'hui de générer de plus en plus de données, ce qui veut dire de pouvoir ensuite analyser de plus en plus de paramètres de fonctionnement, à la fois pour mieux comprendre notre état de santé, mais aussi avec la potentialité de réutiliser ces données pour générer des progrès comme l'intelligence artificielle ou comme d'autres algorithmes. Mmh. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de donner les règles et le cadre de confiance pour pouvoir utiliser de façon sécurisée ces données, garantir qu'elles vont être destinées à améliorer le fonctionnement du système de santé, à améliorer la détection de certaines pathologies, etc. C'est un bien et commun. Et à le faire dans un cadre souverain. Au voilà. Service de l'intérêt général. C'est la question que vous avez souhaité poser à un parlementaire, comme c'est la règle dans cette émission. Comment peut-on favoriser l'utilisation des données de santé? Philippe Latombe est député MoDem de Vendée. Il vous répond. Pour ça, il faut qu'on ait un cadre clair de conservation des données de santé et d'utilisation des données de santé à terme. Ça nécessite aussi de protéger ces données de façon importante, donc qu'il y ait des couches de cybersécurité qui soient suffisantes pour que nos concitoyens aient confiance et soient en capacité de penser qu'elles sont bien gardées et qu'elles sont utilisées à bon escient. Et ensuite, il faudra expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces données, et que c'est pas simplement pour la personne tout de suite, mais ça peut être aussi pour des recherches de plus long terme. Voilà donc pour la réponse politique à ce stade. Vous êtes, vous, favorable à quoi ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments importants. Le premier sur ce sujet-là, c'est la confiance. Faire en sorte qu'on puisse expliquer ce qu'on fait avec les données. Le deuxième élément, c'est qu'on a besoin de ces données pour pouvoir faire progresser notre système de santé. Tous les autres pays dans le monde ont commencé à exploiter ces données. C'est le cas également en France. Simplement, il faut qu'on puisse aller à une vitesse supérieure. On est en retard ? On n'est pas en retard parce qu'on a une expertise médicale qui est très forte, qui est basée sur notre héritage également. Simplement, on voit qu'on a besoin d'accéder plus rapidement à ces données et développer des grands entrepôts de données, là aussi dans des conditions sécurisées. Et puis le troisième élément qui revient aux questions de confiance également, c'est informer et éduquer sur la donnée. C'est d'ailleurs ce que dit le député. Absolument, et c'est un élément complexe. Mais il faut bien que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, quand on utilise un smartphone, quand on utilise des réseaux sociaux, on va, sans forcément le savoir et sans forcément avoir donné son consentement, envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de données à des grandes entreprises étrangères qui vont les utiliser et qui parfois vous connaissent mieux que vous-même. Merci beaucoup, professeur Tenia. On sait que vous vous y employez, en tout cas. Merci à faire en sorte que tout soit accompagné avec l'argent nécessaire si besoin. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite pour un nouveau numéro d'État de santé. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve après les amphis d'été de la France Insoumise pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu, c'est le numéro 4. On va parler de la rentrée, on va parler du nouveau grand blabla d'Emmanuel Macron, on va parler des prochains rendez-vous, ça commence maintenant. La rentrée scolaire va être difficile. Vous avez vu que le prix des fournitures scolaires augmente de près de 11%. Il y a une augmentation et une inflation qui, malheureusement, est toujours là. Et de ce point de vue-là, les annonces qui ont été faites déjà il y a un an par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, puis par la Première ministre, Elisabeth Borne, au début de l'année, qui disait que le pic de l'inflation, on l'avait atteint et que maintenant la situation allait s'améliorer. Bah, la preuve que le pic de l'inflation n'était pas atteint, c'est qu'on est encore confronté à une augmentation des prix qui est très importante. Et donc cette rentrée, c'est une rentrée difficile. Et il faut savoir que les prix sur les produits alimentaires ont augmenté de 21% en 2 ans et que dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire, elles ont augmenté de 70%. Et à l'échelle mondiale, les économistes disent que la première cause de l'augmentation des prix, c'est l'augmentation des profits des grandes entreprises. Et on est face à un gouvernement qui se contente de faire des demandes, des supplications. C'est Bruno demande, Bruno Le Maire, c'est « s'il vous plaît, les entreprises, faites un effort pour augmenter les salaires », alors que les salaires n'ont pas suffisamment augmenté parce que en 2 ans, l'augmentation des salaires est plus faible que l'inflation. Il demande aux industries agroalimentaires de faire un effort pour faire en sorte que les prix baissent. Il demande. Mais à quel moment va-t-il enfin légiférer, passer par la loi, les contraindre, les obliger, les forcer pour faire en sorte que les prix arrêtent d'augmenter, pour faire en sorte que ça soit pas d'un côté une grande majorité de la population qui galère pour finir les fins de mois et de l'autre côté une petite poignée, une petite petit nombre de grandes entreprises et d'actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Cet été, on a encore eu un nouveau record pour la France, qui est sur le podium du nombre de millionnaires en Europe. Et de l'autre côté, c'est 10 millions de pauvres et une grande partie de la population qui s'en sort pas, qui galère, qui n'arrive pas à payer son loyer, qui n'arrive pas à se soigner. Et le gouvernement veut augmenter la franchise sur les médicaments, qui n'arrive pas tout simplement à manger à sa faim, qui n'arrive pas à pouvoir avoir une vie qui est juste une vie digne, une vie correcte. Pourtant, dans un pays qui est la 5e ou la 6e puissance économique du monde. Donc, il y a besoin de se battre, il y a besoin de se mobiliser. Et c'est dans ce contexte-là que le président de la République avait invité les formations politiques mercredi soir à une séance de travail. Normalement, c'était une séance de travail suivie d'un dîner. Nous, on avait dit, mais non, on va pas aller dans un dîner. On vient pour travailler et faire des propositions, si vous voulez, mais on va pas aller dans un dîner. Donc, finalement, ça a été une séance de travail. Honnêtement, on a discuté, est-ce qu'il fallait y aller ? Parce que on connaît les grands blabla d'Emmanuel Macron, on a eu le grand débat après la mobilisation des Gilets jaunes, il avait pris un certain nombre d'engagements, il avait dit par exemple « je vais baisser à 1 million le nombre de signatures nécessaires pour le référendum d'initiative partagée ». Depuis, rien n'a bougé, on a eu la Convention citoyenne sur le climat, il avait dit « je reprendrai tout sans filtre ». Puis finalement, il a mis des 1 filtre, 2 filtres, 3 filtres, 4 filtres, et l'ensemble des propositions de cette Convention citoyenne sur le climat ne sont pas, bien sûr, devenues une réalité. Donc Emmanuel Macron est spécialiste de ces grands exercices de communication qui ne servent à rien. On a considéré que, vu la dureté de la rentrée, il y avait besoin d'aller lui dire les yeux dans les yeux l'état de la situation du pays, la fracture qu'il a mis dans le pays avec la réforme des retraites, les difficultés des gens face à une vie qui est une vie trop dure aujourd'hui, et donc la nécessité de changer radicalement la politique qui est la sienne. Donc on y allait. D'abord, il y a eu une première discussion sur la situation internationale où chacun pouvait donner son point de vue, poser ses questions, où on était éclairé sur quelques éléments dont le président de la République dispose. Pourquoi pas ? Ou à la fin, tout le monde a réalisé, après 4 heures ou 5 heures de discussion sur ce point, que personne ne soutenait l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine. Je suis pas sûr qu'il y avait besoin de discuter pendant 5 heures pour s'en rendre compte, mais au moins les macronistes qui ne cessent de venir sur les plateaux de télévision pour dire que la France insoumise serait pro-Poutine, pro-russe, je ne sais quoi, peut-être ils arrêteront de le dire. Bon, et puis après, on est rentré dans le vif du sujet en parlant d'abord des questions démocratiques. Et là, on lui a dit, vous parlez de faire un référendum, etc., mais si vous voulez demander l'avis aux Françaises et aux Français. Il y a un référendum que les Français, ils attendent, c'est un référendum sur la réforme des retraites. Vous dites que vous êtes prêt à leur demander leur avis, bah demandez leur avis, puisque la réforme des retraites n'entre en vigueur qu'aujourd'hui. demandez-leur leur avis sur est-ce que oui ou non il faut reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et il l'a écarté en disant, de manière scandaleuse, en disant que il ne fallait pas opposer la légitimité parlementaire à la légitimité populaire. Bah, précisément, sur cette question de la réforme des retraites, l'Assemblée nationale ne s'est pas exprimée, n'a pas voté. Donc, demander aux Françaises et aux Français de trancher, ce n'est pas opposer la légitimité populaire à la légitimité parlementaire, c'est demander aux Français de trancher un point sur lequel, manifestement, il y a un conflit de légitimité entre ce que pense le président de la République et quelques amis à lui et ce que pense une immense majorité des Françaises et des Français. Bon, il a balayé ça d'un revers de la main. Le fait de renoncer au 49-3, il a balayé ça d'un revers de la main. Le fait de passer à une 6e République parlementaire pour que ça ne soit plus une monarchie présidentielle, il a balayé ça d'un revers de la main. Le fait d'introduire des nouveaux droits dans la Constitution, comme le référendum d'initiative citoyenne, il a balayé ça d'un revers de la main. Et il a rien à proposer. Donc, il est venu pour parler, discuter, disserter, dans un exercice qui, lui-même, était un exercice grotesque et extraordinairement monarchique. C'est-à-dire, je rappelle quand même qu'il y a des institutions dans ce pays, qu'il y a des assemblées, qu'on élit des députés à l'Assemblée nationale, qu'il y a des sénateurs qui siègent au Sénat, qu'il y a des navettes parlementaires, que on peut proposer, le gouvernement peut proposer à l'Assemblée nationale un texte de loi, ou bien les parlementaires eux-mêmes peuvent proposer des textes de loi, et qu'ensuite, s'il doit y avoir des débats entre les formations politiques, bah, ça s'organise dans les assemblées qui sont faites pour ça. Et le président de la République, il n'a pas à venir ici pour essayer de contourner ça, pour mettre en place à la place des gadgets qui lui permettent de se prendre pour le roi de France qui dit « ça, je prends parce que ça a l'air intéressant, ça, je prends pas, j'écarte, etc. » Donc l'exercice était incroyablement monarchique et il était hors sol et totalement inutile sur le fond. Hors sol parce que c'est seulement après cette deuxième table ronde, donc il devait être 1h ou 2h du matin, qu'on a pu commencer à parler des problèmes concrets que rencontrent les gens aujourd'hui, c'est-à-dire ce dont je viens de parler, l'augmentation des prix, la difficulté des services publics, les inquiétudes face au changement climatique, dans un certain nombre d'endroits, des ravages faits par le trafic de drogue qui se traduisent par des morts chaque semaine, c'est le cas à Marseille et dans ma circonscription en particulier. Ça, c'est les problématiques concrètes auxquelles sont confrontés les gens. Et donc, il a fallu attendre 2h du matin pour pouvoir en parler. Alors, certains disent, vous auriez dû partir avant. Bah oui, mais justement parce qu'on pouvait parler de ça uniquement à 2h du matin, qu'on a fait le choix de rester jusqu'au bout pour porter nos propositions, pour leur dire, maintenant, il faut changer de politique, c'est insupportable, les gens s'en sortent pas, il faut augmenter les salaires. On a proposé l'augmentation du SMIC, on a proposé l'indexation des salaires sur l'inflation. Il a dit non, le SMIC, il est déjà suffisamment haut en France parce que il est plus haut que dans d'autres pays. D'accord, mais est-ce qu'il est suffisamment haut pour que les gens qui sont payés au SMIC aujourd'hui puissent finir les fins de mois et vivre dans des bonnes conditions? Clairement non. Donc oui, bien sûr, il faut augmenter le SMIC. Oui, il faut indexer les salaires sur l'inflation parce que quand les prix augmentent, les salaires doivent au moins augmenter d'autant, même de plus, mais au moins d'autant pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat pour les salariés aujourd'hui. Il a balayé d'un revers de la main. On lui a dit que les loyers avaient augmenté, que les charges liées à l'augmentation de l'énergie avaient augmenté, qu'il fallait donc geler les loyers, qu'il fallait faire en sorte de bloquer les prix sur l'électricité, bloquer les prix sur le gaz, bloquer les prix sur les produits alimentaires, pour faire en sorte que ça ne soit pas d'un côté des gens qui galèrent et de l'autre côté des gens qui s'enrichissent. Tout ça, il a balayé d'un revers de la main en disant que de toute façon, ça ne marchait pas, oubliant lui-même que, par exemple, le blocage des prix, il l'a fait pendant la crise sanitaire où on avait bloqué le prix du gel hydroalcoolique. Donc on a déjà utilisé le blocage des prix, ça a été fait dans les années 90 en France quand il y a eu la guerre du Golfe où les prix du pétrole s'envolaient. Il y a eu des mesures de blocage des prix qui ont été prises et qui ont tout à fait fonctionné. Donc il est possible de bloquer les prix, mais il refuse de le faire parce qu'il est dans une vision enfermé dans une vision idéologique qui consiste à penser que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie et que finalement c'est le marché lui-même qui va réguler l'offre et la demande. Bah, vous voyez bien que qu'est-ce qui se produit? C'est que vous avez des entreprises qui profitent du choc qu'on a connu au moment de la crise sanitaire et du choc de la guerre en Ukraine pour augmenter les prix et s'en mettre plein les poches, tout simplement. Donc il faut intervenir par la loi, et c'est ce qu'il refuse. Donc il a refusé toutes les mesures sociales que nous avons proposées. On a dit à quel point il y avait un problème dans cette rentrée étudiante, avec le coût de la vie étudiante qui a augmenté de 7%, avec le nombre de repas alimentaires pour les étudiants distribués par les associations de solidarité, qui déjà en ce début d'année, en 6 mois, a atteint l'équivalent du nombre de repas distribués pendant toute l'année dernière. Il faut faire quelque chose. On a rappelé qu'on avait fait une proposition de loi pour étendre le repas à 1 euro pour tous les étudiants, que l'on proposait la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les étudiants. Pareil, il a balayé ça de la revers de la main avec des propos par ailleurs extrêmement désagréables et insupportables, disant que finalement, s'il y avait des problèmes de conditions de vie des étudiants, c'est qu'il y avait trop d'étudiants et que donc il fallait renforcer la sélection, que le problème des étudiants qui n'arrivent pas à manger à leur faim, ça touchait les étudiants étrangers parce qu'on les faisait venir alors qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens. Voilà, des propos très insupportables, très désobligeants et une incapacité à mesurer, à comprendre les difficultés concrètes auxquelles sont confrontés les citoyens. On a parlé d'écologie, on lui a dit qu'il fallait arrêter de parler sur ce sujet, qu'on avait vécu pendant cet été l'impact du changement climatique, les sécheresses, les canicules, l'augmentation du nombre d'événements climatiques extrêmes, et donc qu'il fallait cesser notamment cette politique de criminalisation à l'égard des associations, des syndicats, de toutes celles et ceux qui se mobilisent sur le climat. On a parlé de Sainte-Soline, on a parlé de cette décision absurde et qui a été retoquée par le Conseil d'État de dissoudre le mouvement des soulèvements de la Terre, en lui disant que, ok, le Conseil d'État avait remis en cause cette décision, mais qu'il fallait qu'il abandonne tout simplement cette volonté. Pareil, sur ce sujet, il répond à côté. Bon, il écoute pas, il écoute rien. Et donc, on est allé jusqu'au bout, on a porté nos propositions, s'est battu avec collègues de la NUPES où on avait préparé ensemble ce rendez-vous, on avait préparé 14 propositions ou priorités communes à porter devant Emmanuel Macron. On les a portées chacune de ces priorités. C'est aussi la question de la santé, c'est aussi la question de l'éducation, alors qu'on sait que les salaires des enseignants sont de 10% inférieurs à la moyenne de l'OCDE, qu'il y a 3000 personnes qui manquent au concours de recrutement dans l'éducation nationale, que la question qui va être posée, c'est est-ce que en cette rentrée, chaque élève va avoir un prof en face de lui, est-ce qu'il va avoir des stylos, des trousses pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Bon, pareil, ça l'intéresse pas. Et finalement, cet exercice était pour lui juste un grand exercice de communication pour dire, vous voyez, je suis capable de parler avec tout le monde. On a pu lui dire les choses qu'on avait à lui dire, il en ressort strictement rien. Ils essayent maintenant de dire que il organiserait une conférence sociale sur les salaires. Bon, si vous regardez les choses dans le détail, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est quelque chose qu'il avait déjà dit. Il l'avait déjà dit au mois de mars de cette année. Et il se trouve qu'il y a des accords de branche aujourd'hui, des grilles de rémunération dans certaines branches du pays qui n'augmentent pas les minima de branche en même temps que le SMIC quand le SMIC est revalorisé. Et donc, vous vous retrouvez dans des situations où vous avez dans certaines branches des niveaux de rémunération qui sont théoriquement inférieurs au SMIC. Alors en fait, ce qui se passe, puisque le SMIC est obligatoire, ce qui se passe, c'est que généralement, les entreprises sont obligées de rehausser les salaires. Mais donc, ça veut dire que vous avez un tassement du tout le bas de la grille salariale qui se retrouve au niveau du SMIC. Donc, c'est quelque chose d'insupportable. Et le président de la République avait déjà dit au mois de mars, j'ouvrirai des négociations salariales pour faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas. Sauf qu'il ne s'est rien passé depuis le mois de mars, qu'à moitié de l'année, il y a eu une nouvelle légère revalorisation du SMIC, donc il y a encore plus de minima de branches qui sont passées en dessous du niveau du SMIC. Rien n'a été fait sur ce sujet. Donc ce n'est pas une concession, ce n'est pas quelque chose qui l'accorde, c'est la loi de faire en sorte qu'il n'y ait aucun niveau de salaire en dessous du SMIC. Donc si maintenant, dire qu'on va respecter la loi est une grande avancée, je pense qu'on va pas aller très très très loin. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est pas une conférence, des discussions ou des négociations sur ce sujet. On a besoin d'une loi, comme le propose un certain nombre d'organisations syndicales, qui dit que à chaque fois que le SMIC est revalorisé, les minima de branche sont revalorisés aussi, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas des minima de branche qui se retrouvent en dessous du SMIC. Bref, tout ça pour ça, dans un moment très déconnecté de la situation. Alors, il dit que va proposer un nouveau rendez-vous. Franchement, c'est bon, on a compris. Il veut pas nous écouter, il veut pas nous entendre. Et donc, l'enjeu maintenant, c'est la mobilisation, c'est la lutte, c'est la bataille. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de rendez-vous qui vont arriver. Le premier de ces rendez-vous, ça va être la marche du 23 septembre, qui est une marche pour la justice partout, la justice sociale, contre les violences policières, contre le racisme. Une marche de l'unité du peuple, de l'unité populaire du peuple qui se mobilise pour défendre ses intérêts, pour défendre sa dignité. Et ça va être organisé partout en France le samedi 23 septembre. C'est à l'appel d'une centaine d'organisations, des syndicats, des associations, des collectifs, des organisations politiques comme la France Insoumise. Et c'est une date à noter dans le calendrier pour qu'on soit mobilisés nombreuses et nombreux. D'ici là, il y a un certain nombre d'autres rendez-vous. Il y aura la fête de l'humanité. Je vous invite à nous retrouver sur le stand de la France Insoumise qui sera sur la fête de l'humanité. Et en ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver ce samedi à la braderie de Lille où on prendra la parole avec Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, à 16h sur la braderie de Lille. Et puis dimanche, de midi à 13h, sur le grand jury sur RTL, où on reviendra sur l'actualité politique de ces derniers jours. Voilà, on se retrouve dans les prochains rendez-vous. Bonne rentrée à vous, bon courage, parce que la situation, elle est difficile, mais on a besoin de se mobiliser, on a besoin de notre détermination, de notre courage. On peut compter que sur nous pour tout ça. Les Insoumis se mobilisent, ils ont commencé à le faire par des actions de solidarité, notamment de collecte de fournitures scolaires. N'hésitez pas à les aider, n'hésitez pas à les soutenir, n'hésitez pas à y participer en allant participer à cette solidarité qui est indispensable dans cette rentrée parce que manifestement, on peut compter que sur nous-mêmes. Voilà, allez, bon courage, on se retrouve pour la prochaine fois pour un nouveau numéro et d'ici là, belle rentrée. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans, travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Revue de presse, Vosges Matin du mercredi 30 août 2023, Lorraine, immobilier, deux points, ouvrons les guillemets, l'État est complice de la raréfaction des biens. Afrique, au Gabon, les indétrônables Bongo renversés. Des militaires putschistes ont annoncé mercredi mettre fin au régime en place au Gabon, alors qu'Ali Bongo venait d'être largement réélu à la tête du pays dans la nuit. La page de la famille Bongo au pouvoir depuis 55 ans semble se tourner. La France est une nouvelle fois bousculée en Afrique. Enfin, la France, une certaine France, hein ? Oui. Alors, environ 400 militaires français sont encore déployés en permanence dans le pays. Leur mission, protéger les ressortissants français et se tenir prêts à venir en renfort d'opérations. Comme pour le Niger, il y a un mois, la France devrait plutôt faire profil bas et il y a peu de chances qu'elle intervienne contre les putschistes. Alors, l'ère de l'ingérence est révolue, avait alors insisté Emmanuel Macron, tandis que les intérêts français dans ce petit pays d'Afrique de 2,3 millions d'habitants sont encore majeurs. Près de 80 entreprises tricolores, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a le droit de se vêtir de tricolores? Parmi elles, le groupe minier Eramet, qui extrait notamment du manganèse. L'entreprise pétrolière Total Energy est également implantée depuis 1928 dans ce pays qui est le quatrième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne. Le Gabon est par ailleurs devenu l'an dernier la première terre d'exportation française, oui, au sein de la communauté des États d'Afrique centrale. De par ses liens économiques serrés, quelques 12 000 Français vivent actuellement au Gabon. Et vu l'incertitude de la situation, le Quai d'Orsay leur conseille de rester chez eux. Il y a eu 7 coups d'État en 3 ans en Afrique. S'agit-il d'une période exceptionnelle? Point d'interrogation. On voit qu'avec le Gabon, il y a un effet de contagion. On regardait l'Afrique de l'Ouest, mais le phénomène s'élargit. Le Tchad, le Gabon, le Soudan. Il y a plus de coups d'État qu'avant. Les chefs d'État africains commencent à faire attention. Alors les chefs d'État européens, français notamment, feraient bien de faire attention eux aussi, encore plus. Dans les Vosges, la rentrée scolaire se veut « sereine », entre guillemets « sereine ». Économiser 51% d'énergie à la fin des travaux au collège de Bruyères. On va faire des économies d'énergie au collège de Bruyères. 45 postes supprimés dans les Vosges. C'est le nombre de postes supprimés lors de cette rentrée de classe. Presque 50% de la totalité des suppressions de l'académie. Eh oui, les Vosges. Bel exemple, les Vosges, hein. Eh oui, mais les gens, ils ont voté comment depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis 70 ans? Comment ils votent, les Vosgiens? Eh oui. Ils s'en prennent plein la gueule. Ben, ma foi, voilà. Retour à l'envoyeur. Presque 50% de la totalité des suppressions de l'académie. Un geste qui se justifie par la baisse constante du nombre d'écoliers dans le département. Au total, d'ailleurs, presque 15% des écoles sont concernées par ces suppressions. Cornimont, Épinal, Lifon-le-Grand, Vittel, point de suspension. Voilà. Eh oui, comment ils votent le Vosgien moyen? Ben, ils votent comme quelqu'un de très moyen, hein, oui. Qui mériterait même pas la moyenne, hein? Eh ben oui, on fabrique soi-même son malheur en général, hein. Vous avez vu les Allemands, 1923-1933, ils ont fabriqué le fascisme, le nazisme. Et ils ont fabriqué la Deuxième Guerre mondiale qui leur a fait 10 millions de morts. Eh oui, c'est comme ça, la nature, eh oui. Quand on réagit bêtement, on reçoit le manche du râteau dans la tronche, hein. Jusqu'au bout de la nuit, édito de Benoît Gaudibert dans Vosges Matin, vendredi 1er septembre 2023. Un marathon de 12 heures prolongé jusqu'au bout de la nuit, ou de l'ennui, c'est selon. La rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de parti dans une école de Saint-Denis, mercredi, a tourné à l'exercice d'endurance. Bravo, peuple français. Vous êtes capable de voter pour un type comme Macron, après avoir voté pour Sarkozy et pour d'autres du même genre, hein? Eh oui, vous pouvez être fier de vous, peuple français. Les révolutionnaires de 1789 ne seraient pas fiers de vous, hein? Eh non, ben ils avaient du sang sous les ongles, eux, en ce temps-là. Gabon, une présence militaire française intérêt géostratégique. Ah oui, voilà, vendredi 1er septembre 2023, Vosges matin. Hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans le journal. Brice Oligui-Nguema prêtera serment lundi. Le général Brice Oligui-Nguema, qui a renversé Ali Bongo Ondimba, prêtera serment en tant que président de transition, entre guillemets président de transition, cela a dit devant la Cour constitutionnelle. Le nouvel homme fort du Gabon a annoncé la mise en place progressive des institutions de la transition et promis que le pays respectera tous ses engagements extérieurs et intérieurs. Donc, il promet qu'il n'y aura pas de changement, de vrais changements. Bon, Niger, l'ambassadeur français expulsé, point d'interrogation. On ne sait pas, on ne sait pas. On saura un jour, on saura. Rencontre Grand Est, rencontre paysanne et rurale. La lutte s'enracine à proximité de Bure. Depuis le 26 août jusqu'au 3 septembre, le village de Sirfontaine en Ornois, à proximité de Bure, où l'Andra prévoit d'enfouir des déchets nucléaires, accueille les rencontres des luttes paysannes et rurales. Un camp autogéré où des centaines de militants se réunissent chaque jour pour défendre un avenir écologique et social. Écologique et social. Les envahisseurs. Alors, Benoît Gaudibert, les envahisseurs, édito. Alors, je... Bon. Dernier paragraphe, l'Organisation des Nations Unies a publié ce jeudi les résultats d'une évaluation inédite de la biodiversité dans les sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il ressort de cette étude que la prolifération des espèces invasives constitue l'une des menaces majeures pesant sur la faune et la flore des cinq continents. La faune et la flore des cinq continents. Est-ce que l'espèce humaine fait partie de la faune ou de la flore ? Elle fait partie de la faune, hein, oui, des cinq continents. Oh ben, voilà. Effet secondaire de la mondialisation, la suractivité humaine, les invasions biologiques contre lesquelles il va falloir apprendre à lutter et se prémunir n'est pas fini d'empoisonner nos étés. Invasion biologique, est-ce que le fait d'être envahi par des députés, des sénateurs de droite, des ministres de droite, etc., qui fabriquent du chômage. Qui fabriquent du chômage. Hein? Est-ce que c'est... Bon, allez. Enseignement, Macron veut soulever le capot des lycées professionnels. Alors, entre guillemets, soulever le capot. Le chef de l'État a décidé de faire de la transformation de la voie professionnelle une cause nationale. Vendredi, il a dévoilé le contenu des réformes dans un lycée professionnel à Orange, dans le Vaucluse. Elle marche sur deux jambes, le zéro décrochage et le 100% d'insertion. 100% d'insertion. Et s'appuie sur le pacte enseignant. Lundi 4 septembre, le chef de l'État est venu livrer sa copie sur la réforme de l'enseignement professionnel. Bien décidé à faire de la transformation de la voie professionnelle une cause nationale. La lutte contre le décrochage, le gouvernement a décidé d'en faire son premier combat. Le deuxième est, c'est le 100% d'insertion professionnelle. 100% d'insertion professionnelle. Il se moque de qui, cet homme-là? Cet homme-là, ben oui, c'est un homme puisqu'il marche sur les pattes de derrière. C'est un être humain. Tout ce qui marche sur les pattes de derrière fait partie de l'espèce humaine. Oui, oui, oui. Ah si, si, si. Il faut arrêter de dire parce que tu es nul, tu vas au lycée pro. Eh oui, eh oui. Voilà. Oh, le monde est en progrès. Oh, on fait des progrès grâce à ces gens-là. Grâce à ces aux gens pour qui vous avez voté. Niger, Macron joue la fermeté, la junte s'insurge. Depuis le putsch, les Nigériens expriment régulièrement leurs sentiments anti-français. La junte veut le départ des militaires français. Autriche, la vidéo choc d'une extrême droite aux portes du pouvoir. La vidéo choc d'une extrême droite aux portes du pouvoir en Autriche. Eh oui, 1923-2023. Réminiscence nazie au pays de la naissance d'Adolf Hitler. Le FPE, au tréma, fondé par d'anciens nazis, est désormais donné en tête des élections de l'automne 2024. 2000 donné en tête des élections de l'automne 2024. Achtung, Franzosen. Achtung, Achtung. L'unique gare routière de Paris. Paris n'aura pas de véritable gare routière avant les Jeux Olympiques, malgré l'afflux de voyageurs en autocar attendu en 2024. La situation risque d'être chaotique à la gare de Bercy-Seine, censée être provisoire et qui donne une image désastreuse de la ville lumière. Air vicié, insalubrité, ce sera une catastrophe des JO. Voilà. Oh, il faudra se débrouiller avec la gare et ses lacunes. Voilà. Eh oui, électrices et électeurs, vous avez bien voté. Depuis des dizaines d'années, vous votez bien. Et après, vous êtes étonné que Hitler soit mis au pouvoir en 1933 en Allemagne, que la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, soit le résultat de cette élection-là, que, etc. Moselle, les gens du voyage à Gros Tanquin. 250 hectares et 40 000 personnes. Grand rassemblement évangélique tzigane. L'évangile. L'ancien employé du casino jugé pour avoir volé 350 000 euros. C'est où ça? Eh bien, c'est à Plombières-les-Bains. Près de 2000 enfants à la rue avant la rentrée scolaire. Près de 2000 enfants à la rue avant la rentrée scolaire. Au moins 1990 enfants de moins de 18 ans étaient à la rue à la fin du mois d'août, contre 1658 l'an passé à la même période. Bravo les Français, bravo, vous votez bien, continuez à voter comme ça, continuez à voter comme ça, vous serez récompensés.